Hey yo, Joe Black Killer, nous pas à pète fois. Dans la sens spéciale, nous dégâts pas tout zo. Papa femme qui a respecté le corps. Vous comprenez? Ou sous non? Hey yo, check li. Avant de zo, yo comprenez c'est yo, mais là yo ka passe yon lo carré yon le yo. Avant de zo, yo comprenez c'est yo, mais là yo ka passe yon lo carré yon le yo yo yo. Avant de zo. Yo comprend c'est yo, mais là yo ka passe yon lo carré yon le yo. En bande de zoom, yo comprend c'est yo, mais là yo ka passe yon lo carré yon le yo. Moi monte yo crazy, vous appelez l'indigné Tahiti Beach Party. En dit dans Kailani, en Sébri Kounani. Ini Sabrina, ini Kelly, ini Patricia et puis cousine Lee. Comment de yon danse, yo pièce là-bas du moins oui. Alors mon sorti, ça y est en jeune fille. Les mon vieux rentré, yo tout là yo débris. Tête yo tourni. En bande de zoom, yo comprenne c'est yo, mais là yo ka passe yon lo carré yon le yo. En bande de zoom, yo comprenne c'est yo, mais là yo ka passe yon lo carré yon le yo yo. Inizo la t'es pas ka porte yo. Inizo moi non pas ka comprenne yo. Inizo la popo yo pata yo. C'est pas l'ordi moi non pas moi qu'est ce qu'est au de zo. Inizo la t'es pas ka porte yo. Inizo moi non pas ka comprenne yo. Inizo la popo yo pata yo. C'est pas l'ordi moi non pas moi qu'est ce qu'est au de zo. En bande de zoom, yo comprenne c'est yo, mais là yo ka passe yon lo carré yon le yo. En bande de zoom, yo comprenne c'est yo, mais là yo ka passe yon lo carré yon le yo yo yo. En bande de zoom, yo comprenne c'est yo, mais là yo ka passe yon lo carré yon le yo. En bande de zoom, yo comprenne c'est yo, mais là yo ka passe yon lo carré yon le yo. C'est le début des vacances, les sexy ladies ne laissent le barman aucune chance. Tu les regardes passer avec beaucoup de méfiance. Pour ta balle à main, aucune résonance. Mais qui va t'appeler Marie-Paul ou Marie-François? Rendez-vous au McDo ou chez Deli France. Tu te plaises avec elle dans les routes fortes de France. À la fin de ta journée, tu diras que t'as pas de chance. Elle a sucé ton argent avec abondance. Céline, c'est une femme, Céline n'est pas une gamine. Toujours une belle mine avec un bon feeling. Elle aime le zouk et le ragamuffin. Qu'elle soit laide ou pauvre, même pas qu'à digne. En forme, belle et grande, dans les abouis. En forme, jolie, ex et en gros cochonni. Mon gars, respecte tes femmes, madame, moi c'est en forme. Maman, moi c'est en forme, c'est zo à ma carte de zoom. Yo comprenne c'est yo, belle et yo ka passe, yon lo carré, yon le yo. En bande de zoom, yo comprenne c'est yo, belle et yo ka passe, yon lo carré, yon le yo. Yo, yo. Yo, yo, yo, enlè en cargo, ou pas tchébé en zo. Zo, zo, zo. Mwen monte yo crazy, vous appelez l'indigné Tahiti Beach Party. En dit dans Kailani, en Sébri Kounani. Ini Sabrina, ini Kelly, ini Patricia et puis cousine Lee. Maman de yon danse, yo pièce là-bas dit moi oui. Alors mon sorti, ça y est en jeune fille. Les mon vieux rentré, yo tout là yo dépris. Tête yo tourni, inizo la t'es pas ka porte yo. Inizo moi non pas ka comprenne yo. Inizo la popo yo pata yo. C'est pas l'ordi moi non pas moi qu'est ce qu'est au de zo. Inizo la t'es pas ka porte yo. Inizo moi non pas ka comprenne yo. Inizo la popo yo pata yo. C'est pas l'ordi moi non pas moi qu'est ce qu'est au de zo. Hey yo, yo Black Killa, dans la sens spéciale des gars bat tout zo. Bat toute femme qui pas ka respecter ton yo. Nous pas attendre, nous pas sous, nous pas avec. Vous comprenez, man? Comprenez, woman? Yes, I check li. RB, Boko, Dilital. Hey yo, check li. Soudan, ou soudan, ou soudan. Mal attendant,